Docteur Ferguson pressait activement le préparatif de son départ. Il dirigeait lui-même la construction de son aérostat, suivant certaines modifications sur lesquelles il gardait un silence absolu. Depuis longtemps déjà, il s'était appliqué à l'étude de la langue arabe et de divers idiomes mandingues. Grâce à ses dispositions de polyglotte, il fit de rapides progrès. En attendant, son ami le chasseur ne le quittait pas d'une semelle et s'échappait en supplications pathétiques. Ce qui exaspérait particulièrement Dick, c'est que le docteur semblait faire une abnégation parfaite de sa personne à lui, Kennedy. Il faisait un intolérable abus du pronom pluriel de la première personne. Nous avançons, nous serons prêts, le... et de l'adjectif possessif au singulier. Notre ballon, notre nacelle, et du pluriel donc. Nos préparatifs, nos découvertes. Dick en frissonnait, mais avouons que sans s'en rendre compte, il avait fait venir tout doucement d'Édimbourg quelques vêtements assortis et ses meilleurs fusils de chasse. Toutefois, pour reculer le voyage, il entama la série des échappatoires les plus variés, si bien que le docteur frémissait d'impatience. « Veux-tu donc, malheureux Dick, veux-tu donc, faux amis, que cette gloire profite à un autre? Faut-il donc mentir à mon passé ?»« Écoute-moi bien, Dick, et jette les yeux sur cette carte. » Dick les jeta avec résignation. S'appuyant sur différentes expéditions précédentes, Ferguson montre à Kennedy la route à suivre et conclut. Et alors, l'Afrique aura été traversée de l'est à l'ouest.